deuxième volet ce matin de notre série sur la jeunesse et son histoire. Ce mardi, le documentaire est signé Amélie Meffre et Thomas Duterre. Demain, nous vous parlerons de la jeunesse turbulente ou non du Moyen-Âge, jeudi de l'histoire de la majorité sexuelle et ce matin, après avoir évoqué hier les jeunesses punk des années 70, nous allons plonger dans les années 1980 et les débuts du rock alternatif. Nous allons vous parler entre autres des groupes qui s'appelaient les Verruriers Noirs, la Souris Déglinguée ou encore Parabellum et qui mélangeaient à la fois militantisme politique, militantisme social et musique d'après le punk. Cette histoire, nous vous est raconté donc dans le documentaire de ce matin signé Amélie Meffre et Thomas Duterre avec les témoignages de Ty Luc, de Géant Vert, de Pat Kebra, de Yves Le Carpentier et de Thierry Delaveau, mais également de Gérald Bio et de Marsu. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Tous les best et rock et folk de l'époque. Voilà, il y a les fanzines, tout, il y a plein de trucs. Voilà, ça, on avait un article dedans, ouais. Ça, c'est quoi alors? Ça, c'est vinyle, c'est un fanzine qui a eu. On a sorti la Marseillaise là-dedans. Ça, c'était. Ouais, New Wave, ça aussi, c'est un fanzine. Ouais, les fanzines sont là-haut. D'accord. Voilà, il y a des trucs. Beau, ouais. Ouais, bah c'était. C'était très grand format. Hein, ah, il y avait des grands formats. En fait, il y avait tous les formats parce qu'il n'y avait rien de formaté en fait. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient, faisaient n'importe quoi. C'était vinyle. Vinyle aussi. Vinyle, ils avaient quand même une bonne cote en 82-83. Ma période, c'est 77-85. Oui. Alors, on est mort en 85 et après, j'ai arrêté. Bon, alors j'ai avant d'arriver à la fin, on va commencer par le début. Par le début. Il y a eu la période des boîtes de nuit, le golf Drouot, jusqu'en 80. Ty Luc, la Souris Déglinguée. Il y a eu le Gibus Club jusqu'en 79, le mois d'août. Et puis après, bon, bah, on est plutôt à l'air pur. Donc, Fontaine des Innocents, rue Saint-Denis. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps entre la librairie parallèle. Et puis, autour du forum qui est en train de surgir de la Terre. Et puis, donc, je retrouve Fontaine des Innocents tous les damnés de la Terre. Je me souviens d'un gars qui faisait semblant d'être un punk anglais. Bon, il avait l'accent, donc tout le monde pensait que c'était un punk anglais. Et puis, j'ai fait connaissance de tous mes congénères amateurs de punk rock à cette époque. Concerné par cette musique qui nous unissait. Ah 1979-1989, les débuts du rock alternatif, Amélie Meffre, Thomas Duterre. I got a feeling inside of me. It's kind of strange, like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close, or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. Géant Vert, vous écrivez des textes, si on prend cette période-là, fin des années 70, début des années 80, vous commencez à écrire des textes pour les porte-manteaux ? Oui, mais ça se passe plutôt bien, parce que Bébé me dit, quand on écrit des textes pareils, on fait son propre groupe et on les chante. Des textes pareils, alors c'était quoi ? Bah, le premier, c'était Maximum Destruction, qui était... Donc j'étais vraiment persuadé qu'on pouvait à l'époque tout casser pour améliorer la situation, en se prenant des cuites. Parce que à l'époque j'étais jeune et que je n'avais absolument aucune éducation et que par les forces, ça impressionnait les nanas. Par contre, bon, ça s'arrêtait là. Comment vous vient l'idée de Parabellum ? Je fabriquais mes fringues. J'avais une gamme de t-shirts sur lequel je reprenais des slogans en latin. Et donc j'avais le Civis Pacem Parabellum que je portais. Puis je me suis dit que c'était un bon nom de groupe. Mais pour l'instant, à l'époque, je m'occupe des porte-manteaux d'une manière consternante. C'est-à-dire ? Bon, je suis bourré la plupart du temps, mais c'est une question d'ambiance. C'est une petite famille. Et puis Bébé Rock, c'est le paternel et c'est la personne qui n'arrête pas de me donner des conseils. Notamment de créer votre groupe, donc Parabellum. Oui, et donc malheureusement le groupe, je l'ai créé plus rapidement que prévu. Après que Schulz se soit engueulé de manière définitive avec Bébé. Donc Schulz, vous rappelez que c'est le guitariste, oui, le guitariste. De porte-manteau, qui va devenir le chanteur. Histoire-là, il y a eu un peu un bon alignement de planètes. Il y a eu des influences extérieures avec la fin de Giscard, le début de Mitterrand. Yves Le Carpentier, Visa. L'ouverture de l'espace radio, entre autres, avec Thierry, lui, qui était à la création de Radio Libertaire, et puis cette émission que Thierry avait. Moi, j'étais avec Thierry sur l'émission à la technique. Thierry, c'est lui qui animait l'émission. Donc il y avait Chirac qui était à la mairie de Paris et il voulait nettoyer complètement tout l'est de Paris avec toutes les populations pauvres. Et là, il y a eu beaucoup de luttes d'occupation de maisons, d'usines, qui sont beaucoup de squats. Et alors, donc, vous faisiez partie de la mouvance autonome, ce début des années 80, qui prenait part à plusieurs luttes sociales. Lesquelles ? On les voyait, beaucoup de luttes. Il y avait également déjà la question des immigrés et puis des gens qui vivaient dans la rue, ça c'est clair et net. On était également solidaires de beaucoup de luttes au niveau européen. Gérald Biot, Rock à l'usine. Fin des années 70, c'était quand même la fin du franquisme. Voilà, ça, on a participé également de nombreuses manifestations, également actions pour dénoncer l'État franquiste, la lutte du peuple irlandais contre l'envahisseur anglais. Enfin, voilà, il y avait une solidarité à la fois au niveau national sur des luttes contre le nucléaire également. Donc sous aucune bannière. Alors la mouvance autonome, c'est tout de même une bannière. Mais c'est vrai que voilà, c'est un refus de nombreuses autres bannières. Ou endoctrinement, ou inscription avec une jolie carte, etc. Mais c'était quand même une bannière, oui, puisqu'il y avait des valeurs qui étaient défendues. Et il y avait un combat sur lequel se retrouvaient beaucoup, beaucoup de gens. Pat Kebra, vous commencez au Burkamp, on va dire fin des années 70. Oui, c'est-à-dire la vague punk, on était en 77, j'allais au Gibus toutes les semaines avec un copain d'école. Et puis on commençait vraiment à s'intéresser à toute cette musique punk. On se posait même pas la question, c'était quelque chose qui nous appelait. Et c'est une musique qui était speed, qui était mélodique, qui était nouvelle. Il y avait un son assez agressif de guitare que j'ai adoré tout de suite. Gibus, on formait une petite clique de 50 punks, donc on était inspiré par toute la vague anglaise, quoi, par les looks, par la musique, par tout ça. Et donc je commençais à faire des chansons en allant au Gibus sur ma mobylette, quoi. Donc je faisais des premières chansons de Burkamp, je les ai fait comme ça. Et avec mon copain d'école, on a formé un groupe qui s'appelait Burkamp Contingent, puisqu'on allait voir les groupes punk au Bataclan. Les premiers qui passaient, comme les Clash, les Heartbreakers, les Damned, les Ramones, même si c'est pas un groupe punk, c'était assimilé, Siouxsie and the Banshees, des groupes comme ça. Et donc, mon premier chanteur a appelé le groupe Burkamp Contingent, par rapport à toute cette clique qui traînait du coup après les concerts à la station Burkamp. Nous venons le maximum, y a d'autres et rien que ça, nous serons. À l'époque, d'être punk, c'était assez dangereux. Notre premier concert à Sartrouville, en 79, avec La Souris, on a dû fermer les rideaux de fer, on a été attaqué par tous les rockers loubards du coin. Il y avait Malcolm McLaren dans la salle, qui était venu voir un groupe, je crois qu'il s'appelait Les Pisseux. Et donc, nous, on croyait qu'on allait pouvoir être découvert, tout ça. En fait, on a tout refermé le rideau de fer pour se protéger. Ça a été une panique quoi, complète. La banlieue et les punks, c'était pas facile. Mais on s'en foutait, en fait. Parce qu'on n'allait pas louper un concert parce qu'il y avait un risque. Quoi. Je veux dire que c'était plus fort que nous. On allait partout, il y avait des fêtes, des regroupements, de la musique. Voilà. On n'a jamais fui quoi, par rapport à ce danger. Avant que la reconstruction s'effectue dans les grandes opérations immobilières qui ont eu lieu depuis les années 80 et voire même avant, il y a une période charnière. Marsu, Berrurier Noir. Où s'installent les squats, où il y a des endroits qui sont en déshérence, qui deviennent des ateliers d'artistes ou des galeries. Ce moment-là, il est un peu magique, c'est ce qu'on a vécu à l'orée des années 80 et qui a amené, à partir du moment où tu as des espaces de création, tu as des créateurs. Quand tu as des créateurs, tu as de la production. Donc l'usine de Montreuil, évidemment, le squat des Cascades, rue des Cascades, le squat des Vilains, rue des Vilains dans le 20e, et Palikao, qui est exemple typique de lieu qui d'abord a commencé comme une galerie et un espace de création privé, et qui après ça s'est transformé en squat au moment où tout le coin a été exproprié. We'll be right back. Alors vous commencez à enregistrer des concerts qui se passent dans ces squats? Non, au départ, il n'y a pas du tout l'idée de faire un label indépendant. Mais comme on suivait l'actualité de ces lieux, c'était une façon d'illustrer musicalement ce qui s'y passait aussi. Thierry Delaveau, Visa. Parce qu'il y avait des lieux, que c'était des lieux d'habitat. Hein, les gens squattaient pour avoir une maison, pour avoir un toit. Et il y a des lieux qui étaient squattés pour pouvoir laisser place à des expressions artistiques. Alors ça pouvait être aussi bien du graphisme, ça pouvait être de la peinture, ça pouvait être de la performance, ça pouvait être de la musique. Et nous, on enregistrait à l'époque pour retransmettre ça. Et puis on avait des moyens dérisoires, hein, faut bien le dire. Moi je me rappelle de concerts de Cascade où il y avait juste un SM58 qui pendait au-dessus de la scène. Nous on était à l'étage supérieur et on prenait le son comme ça, quoi. Il y a certains concerts, je crois, où il y a eu des retransmissions en direct par téléphone sur la radio. Et ça, c'était en 82. Et ça, c'est vrai qu'à la fin de 82, et puis Thierry, toi, tu recevais les groupes, puisqu'on était en contact avec eux. Donc, on les invitait à la radio, donc ils venaient faire des interviews. Et l'information qu'on recevait de ces groupes, c'est nous, on fait de la musique, mais comment on la. Voilà, on n'a rien pour la diffuser. On est dans la première génération de cassettes, complètement faites de manière artisanale. À l'époque, pratiquement avec deux platines cassettes, hein, donc tout était en temps réel. Une cassette de 45 minutes, il fallait passer 45 minutes pour la dupliquer. Quand on voulait faire 10, ça faisait 450 minutes, etc. etc. quoi. Mais on y arrivait, hein, on y passait des nuits, on y passait des jours, on se renfermait et on sortait des cassettes, voilà. Vous en sortiez combien de cassettes comme ça? Je sais pas, ça allait entre 250 et puis 500. À l'époque où elles étaient vraiment faites comme ça, quoi, à la maison. Alors, après, on s'est quand même doté d'un duplicateur industriel qui permettait d'avoir un master et trois copies et qui allait très vite et qui faisait une C90 en 4 minutes, je crois. Donc là, on a pu passer un artisanat plus sophistiqué, quoi. Parking 2000, c'est sous la station Total, qui est à la porte d'Aubervilliers. Donc, des grands immeubles d'habitation, mais très très hauts, genre années 70. C'est très gris. Il n'y a pas grand monde dans la rue. C'est très industriel. Et y a ce parking qui a tellement mauvaise réputation que le propriétaire décide de louer le dernier sous-sol, d'en faire des box et de louer les groupes de rock. C'était génial. C'était génial. Alors, on mettait plusieurs groupes, on payait la location au trimestre, et ensuite on allait collecter des boîtes d'œufs pour insonoriser, parce que l'insonorisation était à notre charge. Et ensuite il fallait courir après le groupe qui payait pas son loyer. Et c'était assez drôle parce que la plupart des groupes punk chantaient sur les squats en disant ouais, quand on et ça s'engueulait en répète en disant bah, t'as pas payé ta part. Bon. Mais c'était très très bien, il y avait les débuts des Berruriers Noirs, les gens à l'époque n'avaient pas cette concurrence. À l'époque c'était vraiment sympa, on avait vraiment l'impression de refaire le monde dans une arrière-salle de café devant 50 personnes, c'était très, très excitant. Te souviens-tu encore, la commune des couronnes, il flottait le drapeau noir au milieu du boulevard. C'était autour du feu, on se sentait heureux, on faisait des méchouis, à quoi toutes les nuits. concert sauvage de la rue des vilains. Ils s'en foutent ces Romains. On se couchait à l'aube, on se levait le soir, on décourait nos pioles et on chantait victoire. Souviens-tu encore de ce petit bar squatté? On n'avait pas le temps de l'appeler l'infamé. Et quand un car passait, tout le monde s'y mettait. Les coffres n'étaient pas nets, c'est une pile de canettes. Quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste. On y voit de la gnôle, son promoteur Tourix. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien, car il poussera demain des squats comme des petits pains. On a fait notre premier maxi 45 tours en 81, parce que j'ai rencontré un gars en faisant du stop, et je lui parle de mon projet. Donc, les premières autoproductions arrivaient en Angleterre avec les Stiff Little Fingers, Rough Trade, des labels anglais qui étaient dans le do it yourself, quoi. C'était les premières étincelles. Et donc, du coup, nous, on était rejetés de partout. À chaque fois qu'on amenait une cassette dans une maison de disques, tout ça, on se faisait jeter. Pat Kebrin, Aubert Kampf. Et on se dit, tiens, bah, si on faisait le disque nous-mêmes. J'en parle au gars en faisant du stop. Et quelques jours après, il laisse un message chez mes parents. Et il voulait nous produire notre disque parce qu'il venait d'hériter. Et donc, ce gars qui s'appelait Christophe Bourraguet nous a permis d'enregistrer ce maxi 45 tours. Et l'ingénieur du son qu'on avait n'avait jamais touché une table, ça on le savait pas. Parce que en fait, on se baptisait guitariste, chanteur, manager, mais en fait, il y avait personne d'expérimenté. Et les ingénieurs du son, encore moins que nous. Donc, on se retrouvait avec des sons qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on écoutait, parce que ça, on savait faire la différence entre l'album des Clash et le maxi 45 tours d'Aubert Kampf. Et on était toujours déçus en fait de ce qu'on enregistrait jusqu'au bout. Il y a eu la vague précédente qui incluait dans l'ordre Asphalt Jungle, Metal Urbain, Sticky Toys, les Guilty Razors, ou encore le groupe qui s'appelait 1984, le groupe d'Henri Flesch. Nous, on est les clients de tous ces groupes. On paye la place pour aller voir les concerts, que ce soit au Gibus, au Gold Row ou dans les grandes salles parisiennes. Donc on est là-bas pour les applaudir. Et puis après, je dirais que c'est notre tour. Et manque de peau, c'est que notre tour vient se fait pas dans les mêmes conditions que tous ces groupes. Ces groupes-là, ils avaient réussi à rentrer dans le ventre de la bête, celui du show business, essayer de faire leur chemin en tapant la cruste. Donc c'est pour ça que ces groupes comme Sticky Toys, ils ont fait des disques chez Polydor, chez Vogue, Star Shooter a fait son disque chez Pathé Marconi. Et puis tous les groupes qui sont arrivés derrière, ils ont eu le droit de rien faire. Et en fait, on est devenus alternatifs malgré nous. Quand on allait voir par exemple Polydor, Ricky Amalotti en 80, le gars était très très sympa, il nous offrait le champagne, il disait tout le bien qu'il pensait des morceaux qu'on avait enregistrés en maquette, comme Nation, tout ça. Mais il disait, on n'est pas dupes parce qu'on sait que le punk ça vaut rien commercialement. Donc nous, il nous reste plus que les squads parisiens et puis... les petits distributeurs et puis le do it yourself. L'avenir de la nation. L'espoir de la nation. À tous les gens comme toi et moi forme à eux seuls une nation. À tous les gens comme toi et moi forme à eux tous une nation. On défile dans la rue, on marche ensemble, on forme à nous seuls une nation. Pour protester une gueule de la même façon, on forme à nous tous une nation. Et une nation, une nation. Une nation. Si installation, elle est foutue. L'époque, c'était 84-85, c'était vraiment bien, parce que chaque concert était un événement, c'était rare. Les gens, à la limite, c'était même un privilège de faire partie du club. Et là, j'ai rien manqué. C'était génial. On jouait dans des endroits complètement improbables. J'ai en vert. Et après... Lesquels ? Oh bah déjà, il y avait le truc, notre maximum professionnel, c'était le séisme à Champigny-sur-Marne. Alors, Champigny-sur-Marne, on a été pris en résidence... On a fait 3 concerts, parce que enfin il y avait un groupe qui était tellement intéressant pour le public que le public se tapait pas dessus. La salle n'était pas démolie, donc le patron était content de nous filer la paye. C'est aux alentours de 500 francs, ça servait à payer le rodi. Mais sinon, il y avait les concerts, on squattait les débuts de Paris Bar Rock au Jimmy Bar, rue de Bagnolet, parce que moi, à tous les coups, je devais payer la répète. Je devais payer, je devais sortir l'argent. Tandis que là, quoi, un concert dans un bar et ainsi de suite. Bon, le son est abominable, les gens sont bourrés, c'est parfait. Comme ça, personne verra que les chansons sont pas au point. Et en plus, on est payé. Bon, là, on était payé, quoi, entre gratuit et 50 francs. Hein. Parce qu'on avait un public où les mecs, vous donnez ce que vous voulez, il y avait un chapeau à l'entrée. Bon, les mecs arrivaient, ils disaient, au prix où est la bière, on se faisait déjà traiter de profiteur, de capitaliste, et ainsi de suite. Alors, je vois. Donc, ça, c'est la première. Expulsion, destruction, déportation, usine Cascade, 1982. C'est la toute première production de Visa, ça. Thierry Delaveau. C'est sorti dans ce qu'on pensait à l'époque faire. Qu'on imaginait devenir une revue. On voulait faire une revue qui s'appellerait Passeport pour l'exportation. Il n'y a eu qu'un seul exemplaire, c'est celui-là. Donc, il y a la cassette et à l'intérieur, il y avait tout un livret. Où c'était une interview des squatteurs qui expliquait déjà pratiquement comment on ouvrait un squat, c'est-à-dire il y avait une espèce de vadémécum hein, à l'intérieur, comment on se raccordait à l'eau, comment on se raccordait à l'électricité, comment on changeait les serrures, comment on se faisait domicilier dans ce squat. Et après, il y avait aussi tout un tas de témoignages de gens qui nous expliquaient pourquoi ils s'étaient mis à habiter dans ce genre de lieu plutôt que de rester, pour certains, chez leurs parents ou de se retrouver dans des locations traditionnelles. Quoi. On peut écouter ? Je me balade, j'arrive, j'ai repéré la baraque. Ça fait déjà pas mal de temps. J'étais au cadastre, hein. J'ai repéré le propriétaire. Ça, je sais pas, c'est la ville de Paris. Alors, avec un copain, on se pointe, il est tard, plan d'eau, on se balade, on n'a rien dans les poches, enfin, beaucoup de choses. On arrive, la porte, solide, on n'en sait rien. Un petit coup de pied de biche, vas-y machin, il y en a un qui pousse, un coup de pompe, ça s'ouvre. Vite fait, on sort du sac, un petit verrou, qu'on était gentiment se réapproprié dans le magasin à côté. Et vas-y, on replace ça. Mon sergent Gambetta, c'est un endroit où il y avait des gens qu'on traînait, que des squats, que des Marçus. Salles de concert, bien évidemment, des clubs, des locaux de répétition, des studios d'enregistrement, également des magasins de fringues. C'est un endroit où tu peux rencontrer d'autres gens. Toi, les points de rencontre, ce qui fait qu'il y a des alchimies, eh ben c'est cette addition et le fait qu'elle soit regroupée dans des endroits particuliers. Les baroques sont les gens qui sont apparus à peu près au milieu des années 80, hein, puisque le début c'est 84, et c'est un collectif qui a vraiment marqué les nuits parisiennes dans la mesure où ils ont défriché le terrain. Leur principe c'était de pas faire des salles, enfin pas utiliser des salles importantes, et surtout pas utiliser des salles où il y avait un rapport business avec des gens qui, grosso modo, leur posaient des conditions trop rudes. Donc ils ont toujours fait soit des endroits qui étaient des semi-squats ou des salles qui étaient en train de péricliter, soit alors des clubs comme les Gibus. Et ils ont fait jouer une gamme de groupes tout à fait immense, entre autres toute la scène parisienne de l'époque, principalement parisienne, et puis la scène néo-garage, la scène psycho, rockabilly, la scène punk rock également. Oui, il y a un paquet énorme de concerts qui ont été organisés par eux et qui ont vu éclore des gens qui après ça ont été des références. Manu Chao, là on le voit. Oui. Voilà. Mais attention, ça c'est à l'époque des Hot Pants. Hein, et donc, oui. Ça fait pas. À partir du moment où la Mano Negra a explosé, évidemment, il ne pouvait plus trop jouer dans un cadre aussi étroit. Hein. De même que, par exemple, je ne pense pas qu'avec les Berrues, on ait fait un concert des baroques. Ça me semble pas évident, parce qu'on était déjà capable de remplir très fortement les salles, donc c'était très difficile pour eux de nous faire jouer. Mais, par exemple, il y a des endroits comme le Globo, comme le Berry, c'est grâce aux baroques qu'ils ont été réouverts, quoi. L'idée était très noble au départ, mais ça ne pouvait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas fonctionner parce que quand vous faites jouer, un coup, ils ont voulu faire jouer au TH. Il y a eu quoi ? Peut-être 700 personnes qui sont venues. Bon, 700 personnes pour un lieu qui en contient 50. La rue a été bloquée, fermeture administrative. Et vous avez joué Parabellum dans plusieurs bars parisiens ou ça s'est vite cassé ? Ouais, l'Auvergne, il y a des bars, je ne me rappelle même plus, des trucs à Aubervilliers. Il y a des endroits, oui, il faut vraiment que je regarde pour m'en souvenir. Parce qu'on ne savait même pas où on était, on était tous dans un camion, il n'y avait pas de fenêtre. À part les deux qui étaient à l'avant, nous quand on arrivait quelque part, c'était la découverte, on voyageait dans le noir. Et sur Paris, quand même. Ah bah oui, sur Paris, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, des salles de concert. On essayait de faire les premières parties. Ça ne marchait jamais. Ça ne marchait jamais parce qu'il y avait des personnes qui étaient mieux placées, qui réussissaient. À l'époque, il y avait des gens qui n'hésitaient pas à donner de l'argent pour faire jouer leur groupe en première partie à l'Eldorado. Nous, c'était le do-it-yourself absolu. C'est-à-dire que tout était fabriqué avec les moyens du bord. Moi, j'étais obligé de bosser à cause de mon suivi. Tous les 15 jours, il fallait que j'aille pointer au commissariat pour justifier que j'avais un emploi. Alors, les emplois qui s'offraient à moi, c'était pas grand-chose. On avait le choix entre le tri-postal, les péages de parking, tout ça. Mais bon, ça permettait d'avoir la paix. Et les autres membres du groupe, ils travaillaient aussi ou pas ? Ouais. Bah, disons qu'ils travaillaient leur style. Ils travaillaient pas, quoi. Schulz gardait les enfants. Il avait une crête qui devait faire 30 cm. Ça amusait beaucoup les piou-piou. Malheureusement, les adultes, ils aimaient pas trop. Il y avait Riton, qui a été le premier punk à chien véritable, à ma connaissance, en France. Il distribuait des prospectus. C'était génial avec lui. L'hiver 85 qui avait été assez dur, quand il était dans le camion, après une bonne nuit passée dans le local à poubelle, on voyageait la porte ouverte. Punk, c'est un phénomène de mode peut-être, mais c'est un phénomène qui dure. En France, les punks, vous savez, ce sont ces jeunes qui ont des cheveux en l'air avec des crêtes vertes ou rouges, par exemple. Eh bien, en France, ces punks sont beaucoup moins nombreux qu'en Grande-Bretagne, par exemple. Mais c'est un mouvement de jeunes qui reflète sûrement une certaine réalité. Antenne 2, 1986. Il y a moins d'un mois, une centaine de jeunes punks se heurtaient aux forces de police en banlieue parisienne. On venait de les expulser d'une usine désaffectée où ils organisaient des concerts. Alors qui sont-ils, ces jeunes punks? Eh bien, le reportage d'Agnès Poirier et d'Anne Loustalot. Du béton contre la musique, du béton contre les punks. Depuis 6 mois, tous les samedis soirs, ils étaient 500, parfois plus, dans cette usine désaffectée à Montreuil. L'usine squattée, occupée illégalement, était devenue une salle de concert. Il y a quelques jours, un arrêté du tribunal exige l'expulsion. 250 CRS encerclent l'usine, c'est l'affrontement. Pas de syndicat pour défendre les punks, pas de porte-parole, juste des graffitis et des chansons. L'usine, pour la plupart des habitués, une étape sur un chemin déjà semé de squats. L'usine, c'était un lieu où on pouvait se retrouver, où on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, quoi. Il y en avait qui répétaient en musique, il y en avait qui faisaient du sport, sculpture, graffiti. Mais ça, ça gênait justement, ça gênait un maximum qu'on puisse avoir des initiatives et créer nos propres trucs, quoi. Des jeunes de France, soyez unis pour gagner. L'avenir, c'est pas la violence, mais la solidarité. On a eu le concert de soutien qui a été fait au Cirque d'Hiver. C'est vrai que là, bon, on a d'ailleurs dû refuser de nombreux groupes, hein, voilà, qui sont proposés pour venir en soutien au projet de Rock à l'usine. Gérald Biot. Mais on a quand même, voilà, il y avait 7-8 groupes qui ont participé. On a eu entre 2 et 3 000 jeunes qui sont venus. Même des parents, c'est des bons souvenirs. Ça, les jeunes ne pouvaient pas venir. Les mamans ou les papas venaient payer le prix d'entrée pour soutenir le projet. Parce que leurs enfants venaient régulièrement au concert à l'usine. Puis beaucoup de gens qui ont témoigné d'ailleurs pour dénoncer tout ce qui était raconté, voilà, sur... Il s'agissait uniquement de punk dégénéré, voilà. Enfin, vous pouvez imaginer un petit peu les discours qui ont été faits sur cette expérience, justement, qui ont dénoncé, dit que c'était pas du tout ça, que c'est un lieu qui était vraiment très intéressant, où il n'y avait jamais de problème d'ailleurs, en dehors de la soirée d'expulsion là, du projet, quoi. Il n'y avait jamais de problème de voisinage, il n'y avait jamais de violence autour du site, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'on est voilà, entre 2 et 3 000 personnes en soutien au projet de Rock à l'usine au Cirque d'Hiver, oui. Et qui joue? Alors, bah, vous avez une belle affiche là. Donc, il y avait Berrurier Noir qui était à l'affiche. Malheureusement, avait dû se désister. Il s'est excusé auprès de leur public, etc. Mais on a eu ceux qui allaient devenir la Mano Negra, qui s'appelait Hot Pants à l'époque. La Souris Déglinguée. On a eu les Garçons Bouchés. On a eu Ludwig 2088. Enfin, voilà. Non, il y avait toute la scène dite alternative de l'époque, quoi. Vraiment, on a eu. Il y avait énormément de groupes, quoi, de fanzines également, parce qu'on avait des stands à l'intérieur du Cirque d'Hiver, voilà, qui présentaient un petit peu tous les artistes, mais qui participaient au projet de Rock à l'usine, à la fois en tant que dessinateur au sein de notre fanzine Rock à l'usine, et également tous les musiciens voilà, qui soutenaient le projet depuis des mois. Parmi les dessinateurs, alors là, par exemple, dans ce fanzine, il y a qui? Captain Caverne, il y avait Margerin. Il y avait voilà Villemain, il y avait on retrouve beaucoup de grands noms de la BD voilà de cette époque là quoi. D'ailleurs beaucoup sont encore connus. J'allais dire ils sont même devenus très connus depuis. Encore. On est gouverné par des couleurs, des choses des mecs, des grands et des grands. Imagine un peu la gueule de ton père. Vas-y ces messieurs avec les cheveux verts. Ces messieurs avec les cheveux verts. Que la soif paraît, nanana. Il est temps de chanter, nanana. Que la soif paraît, nanana. Il est temps de chanter, nanana. Alors pourquoi vous arrêtez au Bertrand? Parce qu'on était épuisés. Et que c'est comme dans un couple, à un moment donné, c'était un enfer. Moi j'avais pas de vie à côté, quoi. De 18 à 25 ans, j'ai fait que ça au Bertrand. Pas de Québrin. Et je sentais qu'il fallait que je prenne le large. On était arrivé à un état de noirceur qui ne me ressemblait plus, quoi. Et c'est pas très gai, les morceaux. Non. Hein, c'est-à-dire que c'était notre vie, en fait. Donc on était imprégné de cette noirceur et il fallait partir, quoi. Alors vous vous arrêtez en 85, ouais. Pas de Québrin au Bertrand. On fait notre tournée d'adieu. Mais... Je veux dire, vous arrêtez au moment quand même, ouais, où il y a plein de groupes qui sortent. On ne savait pas. Quand on s'est arrêté, puisque j'en discutais avec Marsu la dernière fois, justement, je dis le punk était mort. en 78 avec les Pistols. Nous, après, on est resté dans un no man's land en France. Les gens, le punk, c'était méprisé, c'était on était passé, les Anglais étaient passés à la New Wave, à Cure, tous ces groupes-là qui étaient intéressants. Il y a eu la vague ska, il y a eu les Stray Cats, tout ça. Nous, en France, le punk n'a pas existé. Et en 85, quand on est mort, on avait vraiment la certitude que le mot punk, jamais on le reverrait nulle part, et que le nom de notre groupe, il était enterré à jamais. C'était vraiment notre impression la plus authentique qu'on a eue à ce moment-là. Et donc on s'arrête sans savoir qu'un an après, il allait y avoir un oasis dans le rock français qui allait, avec une nouvelle génération qui arrivait, qui est née entre 66 et 72, qui avait 20 ans à l'époque des Bérus, eux sont arrivés, ont repris cette musique, ont déterré ce truc-là et ont connu Oberkampf par leur grand frère. À la base, le terme punk alternatif, je mets entre guillemets, ça a été utilisé par les Bérus. Alors qu'ils commençaient un petit peu connus, donc ça doit être plutôt vers 84-85. Ils avaient déjà sorti leur premier disque. Et il faut imaginer que dans le punk et la musique, disons post-punk de l'époque, tout le monde, tous les trois mois, crée un nouveau style. Bah, nous, on s'était dit, on va créer un style, ça va être le punk alternatif. À la fois parce que c'était joli, il y avait des notions de courant alternatif, donc un peu électrique, et ensuite parce que Marsu. L'idée c'était de faire autre chose tout en faisant la même chose. Alors, c'est toujours un petit peu complexe, mais toi de proposer une autre version, et quelque part, à l'époque, on avait déjà quand même des notions assez fortes de ce que t'es pas forcément la contre-culture, dans laquelle moi je m'inscris encore beaucoup maintenant, mais plutôt tout ce qui était... les alternatives économiques, les squats, etc. Enfin, une autre vision du monde. Alors, l'ancêtre, en fait, de l'intermondialisme. La notion de circuit court, la notion de respect du public, consommateur, entre guillemets, des consomme-acteurs, tu vois, voilà. Ces éléments-là, finalement, à partir du moment où il y a le succès public et que les journalistes s'en sont emparés, c'est devenu un style musical. Salut à toi, le légendiste. Salut le mouvement des jeunes arabes. Salut à toi, Guatemala. Salut PKT, contingent. Salut à toi, le chatopan. Salut à toi, peuple canac. Salut à toi, tchécoslovaque. Salut à tous les dragons. Salut à toi, qui est chepon. Salut à toi, jeune malgache. Salut à toi, le peuple bac. Salut à toi, qui est au violon. Salut à toi, les morocons. Vous partez de Parabellum, c'est quoi, Capola? Oh, la veille du printemps de Bourges avec les Bérus Rien Noir. Super concert, que ça, je sais pas, il y a 5000 personnes. Et moi, je leur dis, ce sera sans moi, mais je viens au concert. 1987. Ouais. Géant Vert. Ça, c'est, c'était, j'en pouvais plus. J'ai trouvé que à l'époque, le punk rock, l'alternative, c'était décidément trop bourgeois pour moi. Là, ça devenait sérieux. Il y avait du blé. Il y en a qui s'en sont aperçus. Avant tout le monde, à partir de là, l'ambiance est devenue franchement pourrie. Il y a eu de la concurrence entre les groupes, entre les labels. Les labels se tiraient la bourre. Nous, on était sur deux labels à la fois. Parce que notre label, Gougnaf, n'avait pas les moyens de payer la facture. Donc Bondage est arrivé. C'est exactement ce qu'on aurait souhaité ne jamais voir arriver. C'est-à-dire devenir une institution. Une partie de la culture. C'est pour ça qu'on était censé mettre le boxon. Ça ne s'est pas fait. Les gens, au contraire, sont devenus des apparatchiks du système. Et c'est très bien, ils sont heureux. Ça ne s'est pas fait du tout ? Ben non, ça ne peut pas arriver, on ne peut rien renverser. Un groupe de rock peut éventuellement faire la bande-son de la révolution, mais il ne faut surtout pas nous donner le pouvoir. Combat de boxe, demoiselle en stock. À cette accoutumance, y a pas de désintox. Ta meilleure amie travaille sur Sura Wong. Au café de Paris, dans sa version Pat Pong. Les musicaux s'aveuglent, installent leur matos. Sur un bord de trottoir, du matin jusqu'au soir. Une seule chanson à leur répertoire. Une seule vibration. B-A-M-G-K-O-K. Bangkok. Vous êtes approché quand même par CBS? Complètement, c'est ça, c'est une très belle histoire. Celui qui nous a fait arriver chez Musidisc, il faut la nommer cette personne, c'est l'ancien journaliste Hervé Deplace. Taïluc. D'ailleurs, il n'a pas fait rentrer seulement LSD chez Busdisc, il a fait venir tout le monde. Donc c'était l'époque où Casse Product s'en allait, Gogol était sur le point du départ, et puis donc pareil pour Little Bob, ils étaient sur le point de partir. Donc lui, il nous a fait rentrer avec Mano Negra, tous ces groupes-là de boucherie, il nous a fait rentrer chez Busdisc. Et puis Hervé, en 89, il s'est fâché avec le patron, François Grandchaudéro, et il est parti chez CBS. On a fait le Midem à Cannes. Ce jour-là, on a rencontré De Modinas. De Modinas était très, très intéressé par les nouveaux morceaux de LSD, en l'occurrence la chanson Bangkok, Rebelle Afghan, qui avait une coloration rap. Et comme le rap n'était pas encore en cours de commercialisation, il devait penser que c'était les morceaux feraient l'affaire. 1990, mais justement, parlons de rap, vous faites un concert à l'Olympia et en première partie, il y a NTM. Complètement. Vous écoutiez du rap, vous, Taïluc ? Ouais, j'en écoutais depuis 87 à cause de Laurent Chalumeau. Et quand le rap est arrivé, en l'occurrence, grâce à Public Enemy, LL Cool G, Eric B, Rakim, etc. Et là, quand j'écoutais ça, je me suis dit, voilà, il se passe quelque chose d'intéressant. Puis il y avait un côté rock'n'roll qui nous plaisait énormément. Et donc, à cette époque-là, j'étais un peu fatigué de nos contemporains, du rock alternatif en l'occurrence. Et je trouvais qu'en plus, ces gens-là, du rock alternatif, disaient beaucoup de mal de nous. Parce qu'on était là avant. Puis il y avait une sorte de rivalité qui était entretenue par les uns, par les autres. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'inviter en première partie un groupe de la mouvance alternative, autant inviter les loups dans la bergerie. Donc c'est ce qu'on a fait. Personne ne peut comprendre, ma vie n'est pas à fin. Et je le clame haut et fort, il ne faut pas se méprendre. Asphyxiant les sentiments, l'argent pourrit les gens. Précisément en ce moment, tout s'achète, tout se vend. Mais c'est pas la peine de bourrer le mou aux gens que c'était une super époque, que là, voilà, on a ceux qui étaient pas là, ils ont tout raté. Non, c'est pas vrai. Un jour, je suis retombé sur une cassette d'interview en 83. On allait faire un concert à Clermont-Ferrand et le gars, il nous voit arriver. Il nous dit, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes des mythes ? Pat Kébrin. Et je lui dis, attends, vas-y, pince-moi, tu vas comprendre qu'on n'est pas des mythes. Là, j'ai pris une voiture de location pour venir jusque-là, une estafette, j'ai fait verser une caution. Tu vois, il y a des réalités qui sont vraiment terre à terre. On n'est vraiment pas des mythes. Et en 83, déjà, les gens avaient ce truc-là. Et après, j'ai compris pourquoi. Parce qu'on arrivait avec un camion, une énorme sono, tout notre matos, notre répertoire. On était en train d'enregistrer quand même des disques. Et les gens en province, à Clermont, où il ne se passait pas grand-chose, ils voyaient des gars arriver, qui avaient eu déjà quelques articles dans Best et Rock et Folk, et du coup, pour eux, ils avaient peut-être la même aura que nous, on avait sur les punks anglais, quand ils ont les 45 tours étaient interdits, qu'on voyait le God Save the Queen dans un truc, une version inédite, machin. On était, pareil, on était dans un truc un peu... on construisait un petit peu quelque chose de légendaire dedans. En 1989, les Berruriers Noirs font leur concert d'adieu à l'Olympia, la Mano Negra signe chez Virgin, délaissant Boucherie Productions. Les ventes commencent à s'envoler pour la Mano, comme pour les Négresses Vertes. Une page se tourne, Parabellum ne va pas tarder à se séparer. Partout ce chant de révolte. Forcerai. pression sur des vides. On sort dans un état de jade. Et partout c'est le roi du vin. Pensez, pensez, pensez. Prostitution organisée. Plus des maçons, j'ai pénosé. Le tiers montrait les pantomimes. L'attention montée, t'y avais. Pensez, pensez. Merci à Tailuc de La Souris Déglinguée, Géant Vert de Parabellum, Yves Le Carpentier et Thierry Delaveau du label Visa et de Radio Libertaire. Merci encore à Gérald Bio de Rock à l'usine, Pat Kebra d'Oberkampf et Marsu, ex-manager des Berruriers Noirs et co-commissaire de l'exposition Rock dans l'Est parisien à la médiathèque Marguerite Duras. Merci aussi à Cécile Morin de la médiathèque. Prise de son, Yvan Charby, Myriam Guillot et Laurent Lucas. Mixage, Benjamin Vignal. 1979-1989, les débuts du rock alternatif, Amélie Meffre, Thomas Duterre. Voilà pour ce documentaire du mardi que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture, que vous pouvez également commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore en nous suivant sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC. Demain, nous poursuivons notre série consacrée à l'histoire de la jeunesse en nous intéressant à la jeunesse turbulente ou non du Moyen-Âge.